le Seigneur vous bénisse. Ndiyo paka vile litangaziwa. Oui, comme cela a été annoncé. Nduku James Musonda. Le frère James Musonda. Niye pasteur wa makutano ya Kitwe. C'est lui le pasteur de notre assemblée sœur de Kitwe. Yenju atanza mahubiri leo. C'est lui qui commence la prédication aujourd'hui. Eti muko mufura ya kumpokela na kumsalimia mujina Bwana Yesu Kristo. Êtes-vous dans la joie de recevoir de saluer au nom de Jésus Christ? God bless you. God bless you. Je salue chaque frère et chaque sœur au nom de Jésus-Christ. Je salue chaque frère et chaque sœur au nom de Jésus-Christ. On répond avec joie dans la maison de Dieu. On répond avec joie dans la maison de Dieu. Je vous apporte les salutations de vos frères et sœurs de la Zambie. Celles de Kitwe. De Lusaka. De Lusaka. Et d'Endola, Bakundola, et beaucoup de milliers vous ont salué au nom de Jésus-Christ. À Lubumbashi où nous sommes passés, Kolwezi, Likasi, et d'autres assemblées vous ont salué au nom de Jésus-Christ. Ne vous en faites pas pour les fautes d'orthographe. Nous sommes habitués de prêcher en anglais et en kibemba. Mais ce qui est nécessaire pour les vues de Dieu vivant, c'est communiquer le message de Dieu au peuple de Dieu. C'est ce qui est très important. Donc les fautes d'autres ne diront rien. Puisque ce sont des langues que nous étudions, Seigneur. Nous allons nous mettre debout pour lire une portion d'écriture. Nous sommes dans Esther chapitre 6. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Oh Dieu est bon, il est bon. Dieu est bon, il est bon. Notre Père et notre Dieu. Baba yetu na Mungu wetu. Tunakushukuru, tunapandisha jina lako. Nous te remercions et nous élevons ton saint nom. Puisque tu as été miséricorde envers nous. Surkwa kurema kwetu shey. Nous voici dans ta présence. Shey aba mwepo wako. J'ai été reçu dans cette assemblée dans ton saint nom. Et je t'ai prié que tout ce qui se fera ici soit fait dans ton saint nom. Bénis cette semaine. Console-nous dans une façon spéciale. Nous voulons que quand on termine cette prédication, on arrête cette prédication le dimanche, que chacun dise que Dieu nous a consolés. Et je crois fermement que tu dois nous bénir. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous prions ainsi. Amen. Amen. Nous sommes dans Esther chapitre 6. Les versets 1 à 3. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter les livres des annales et les chroniques. On les lit devant les rois. On les lit devant les rois. Et l'on trouva écrit que ce que Mardochée avait été révélé au sujet de Bigtan et de Teresh. Les deux uniques du roi garde de Séul qui avaient voulu porter la main sur le roi Assyrus. Les rois disent, quelle marque de distinction est donnée Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondit ce qui servait les rois. Ajoutons aussi à Psaume 12. Proverbe 12. Mezali 12. Proverbe 12. Mezali sura 12. Je t'invite, Proverbe 12. Le verset 2 seulement. Proverbe 12. Le verset 2. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mungu aongeze mabaraka kusomea neno yake. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Personnellement. Kwa kipeke, j'aime les gens qui répondent avec joie. Napendaka batu wanajibu na furaha yote. Les gens qui répondent avec joie. Ils sont attentifs à la parole. Ce ne sont pas les gens qui viennent dans l'église qui pensent à autre chose. Non. Quand vous venez ici, il faut vous concentrer à la parole. Puisque la parole, c'est une consolation. Quand vous venez ici avec des problèmes, certainement avant de quitter cette salle, Dieu doit vous consoler. Et au courant de cette semaine, nous allons parler sur un sujet intitulé comment l'homme de bien sature la faveur de l'Éternel. Comment l'homme de bien sature la faveur de l'Éternel. Et nous allons parler au courant de cette semaine. Jusque dimanche, si Dieu le permet. Qui croit que Dieu est bon? Qui croit que Dieu est bon? Et c'est côté là, on ne croit pas que Dieu est bon. Qui croit que Dieu est bon? Dieu est bon, ma soeur. Dieu est bon. Dieu. Dieu. Il est bon. Eko mwema. On ne sait même pas comment l'expliquer. Atujua hata namna kuifasiria. Tu ne peux pas expliquer Dieu. Hawezi kufasiria Mungu. Tu peux commencer à expliquer le bien de Dieu, tu ne peux pas terminer. Unaweza kuanza kufasiria vizuri vya Mungu hautamaliza. Tellement Dieu est bon. Zaidi Mungu yuko mwema. C'est pourquoi David dit je louerai l'Éternel. Jo Daudi alikuwa anasema mimi nitasifu wa milele. Sa louange. Il est usifu sera toujours dans ma bouche. Itakuwa paka mkinywa yangu. Donc nous allons parler cette semaine comment l'homme de bien sature la faveur de Dieu. Et muntu mwema anajikokoteaka faida ya Mungu. Et c'est merveilleux. Non. Ni adamani. Et bien-aimé. Na wapendo. J'aimerais vous dire ceci. Ni unataka kumiambia hivi. Avant de commencer, mbele ya kwanza, il faut d'abord comprendre ce que vous êtes. Inafaa uelewe kia kwanza kile wiko. Ce que vous êtes là-bas. Kile wo wiko pali. Et ce que vous étiez. Na kile uruku yaka. Ce que tu es aujourd'hui. Na kile wiko hapa. Et pourquoi tu es ici. Na jua nini uko hapa. Tu dois comprendre cela. Unapasha kuelewa ile. Ce n'est pas au hasard que tu es ici. Aina tu kwa kubatisha unapatikanika hapa. Jamais et jamais. Kamwe. Tu dois comprendre d'abord pourquoi je suis ici. Unapasha kuelewa kwanza jua nini niko hapa. Et tu dois aussi comprendre ce que tu étais. Na unapasha kuelewa kile uruku yako. Et ce que tu es aujourd'hui. Na kile uiko hapa sasa. Et quand tu comprends ce que tu étais. Na wakati utaelewa kile uruku yako. Et ce que tu es aujourd'hui. Na kile uiko leo. Et pourquoi Dieu t'a amené ici. Na jua nini Mungu alikuleta hapa. Alors tu vas comprendre bien ce que nous voulons parler. Pale utaelewa mzuri kile tunataka kusema hapa sasa. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Mes frères et sœurs. Banduku yangu na wadada yangu. Dans cette Bible. Biblia hii, il n'y avait personne muntu, dans cette Bible mui Biblia, qui avait cru en Dieu, ule qui avait mis sa confiance en Dieu, et qui ndani ya Mungu, est fini dans la honte. Narifika mkupata haya. Jamais. Il n'y avait personne. Akukwe muntu. Qui avait mis sa confiance dans cette Bible. Aruweka kama tumani yake ndani ya Biblia. Qui avait mis sa confiance en Dieu. Aruweka kama tumani ndani ya Mungu. Et finir dans la déception. Na kuishia baba mkupata haya. Jamais et jamais. Kamwe na kamwe. Tu dois comprendre cela. Unapasha kuelewa hili. Jamais et jamais. Kamwe. Frère. Nduku. Quand quelqu'un met sa confiance en Dieu. Wakati mtu anaweka matumaini yake ndani ya Mungu. Dieu doit agir en lui. Mungu anapasha kutenda ndani yake. Mais aujourd'hui les gens, lakini leo batu, ils croient que si nous sommes ici, madame yase kama tuko hapa, c'est un jeu. Ni michezo tu. Non. Hapana. Ce n'est pas un jeu que nous sommes ici. Aina michezo juu tuko hapa. Ça, ce n'est pas un rassemblement des gens. Et alors, vous savez quoi, abattu? Est-ce que vous entendez cela? Et tu m'as chiqué à il? Est-ce que vous entendez cela? Et tu m'as chiqué à il? Ça, ce n'est pas un rassemblement des gens. Alors, vous savez quoi, abattu? Ou une organisation? Ah, on m'a tengenezo. Non. Apana. Ça, c'est un peuple de Dieu. Hii ni taifa ya Mungu. Nous sommes un peuple de Dieu. Tuko taifa ya Mungu. Nous sommes un peuple de Dieu. Tuko taifa ya Mungu. Nous sommes un peuple de Dieu. Tuko taifa ya Mungu. Et tu dois comprendre d'abord ce que tu es. Non, pasha kuelewa kwanza kile wiko. Et ce que tu es. Na kile uruku yaka. Si tu ne comprends rien. Juu kama uelewe kitu. Tu vas comprendre que nous sommes un peuple là-bas, un rassemblement des gens. Utaelewa toi c'est tu mkusanyiko ya batu. Et vraiment on me dit quelque chose. Na ndugu Branham anasema kitu kimoya. J'aimerais d'abord Nilipenda kusoma hiyo ni kwa mzuri. Cinq identifications précises de la véritable église du Dieu vivant. Mabionesho tano ya kanisa ya mjima ya Mungu aliye hai. Au paragraphe 16. Munukta ya 16. Il dit ceci. Anasema hivi. L'église kanisa n'est pas une organisation. Haina matengenezo moja. Est-ce que vous comprenez cela? Eti mnaelewa ile? Qui croit que ça ce n'est pas une organisation? Nani anamia sema yana matengenezo. Je te bénisse. Mungu akubariki. L'église n'est pas une organisation. Kanisa na matengenezo ya batu. L'église n'est pas un rassemblement des gens. Kanisa na mkusanyiko ya batu. Nous ne sommes pas un rassemblement des gens. Shatu na mkusanyiko tu ya batu. Le rassemblement des gens. Mkusanyiko ya batu. C'est ce que les politiciens font. Ni le bafanya siasa banafanya. Les catholiques font. Aya hao ba katolika banafanya. Les protestants font. Aho ba kipente banafanya ba protestants. Le rassemblement des gens. Jo mkusanyiko ya batu. Nous ne sommes pas un rassemblement de gens. Chatuna mkusanyiko ya bantu, apana apana. Jamais. Kamwe. L'église, kanisa et le peuple de Dieu. Ni taifa ya Mungu. Qui croit que nous sommes un peuple de Dieu? Nanya na mimi sisi ni tuko taifa ya Mungu. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Donc nous ne sommes pas un rassemblement. Atuna mkusanyiko. Tu dois bien comprendre cela. Unapasha kuelewa ile mzuri. Nous ne sommes pas une organisation. Ah, tuna matengenezo ya bati. Ça, ce n'est pas l'ONG. Iya na ONG. Ce n'est pas une organisation. Haina mkusanyiko. Donc, l'église est le peuple de Dieu. Kanisa ni taifa ya Mungu. Qui a été appelé à sortir du monde. Ile iliitwa kutoka mudunia. Donc, c'est un peuple de Dieu. Nikusema ni taifa ya Mungu. Qui a reçu un appel divin. Ile ilipokea wito ya Mungu. C'est lui qui nous a appelé, ce n'est pas un homme. Ule alituita na mtu. Même si tu m'as prêché. Hata ulinyuhubiri hapa. C'est pas toi qui m'as appelé. Haina wewe ulinitaka. Il y a un qui m'a appelé. Huku moyo ulinitaka. Ni Mungu wangu. Donc nous ne sommes pas des gens. Nikusema tuna batu. Nous ne sommes pas des gens au hasard. Hatuna batu pa kubatisha. Nous sommes un peuple. Tuko batu taifa. De Dieu. Ya Mungu. Appelé qui a reçu. Un appel divin. Baya ripokia mwito wa kimungu. A sortir du monde. Ya kutoka mudunia. Pour faire quoi? Jua kufanya nini? A sortir du monde pour servir Dieu dans un autre royaume. Kutoka mudunia njua kutumikia mungu mufalme ingine. C'est là où je cherche. Jua ele nunatafuta. Puisque ma prédication est concentrée sur ça. Jua maubiri angu nashimamia pale. Ah. Fait. Duku. Nous sommes ici pour servir Dieu. Tuko hapa njua kutumikia mungu. Nous sommes ici pour servir Dieu. Tuko hapa njua kutumikia mungu. Servir Dieu, Mungu, ce n'est pas seulement prêcher. Ana tupa kubiri. Jamais. Kamwe. Chacun ici a un travail. Kila mmoja wetu hapa kuna kazi. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de chômeurs. Mufalme wa Mungu hapa hamuna bakosa kazi. Est-ce que vous comprenez cela? Eti mnaelewa hili? Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de chômeurs. Mufalme wa Mungu hamuna bakosa kazi. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Chebo tapata watumishi ya Mungu. Chacun a sa place. Seulement. Kila mtu wote pafashi yake. Ah. Donc nous sommes ici pour servir notre Dieu. Nisema tuko hapa kwa kutumikia Mungu wetu. Et nous devons comprendre cela. Na tunapasha kuelewa hili. C'est la vérité. Nibia kweli. Quand Dieu vous appelle. Wakati Mungu anakuita. C'est la vérité, Dieu prendra soin de vous. Nibia kweli Mungu atakuangaichi. C'est la vérité. Nibia kweli. Vous pouvez traverser un moment difficile. Unaweza kupita wakati ya le malheur atteint souvent les justes. Dieu wale nakutaka kwa banyaki. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Lakini wa milele na bakomboka paka. Ouais, c'est la vérité. Nduku ni bia kweli. C'est la vérité. Ni bia kweli. Quand Dieu vous sauve, wakati Mungu anakoko, il prendra soin de vous. Atakuangaiki. Et il va protéger ce qu'il vous a donné là. Atakukingia kila le kukupatia. Le salut c'est un don. Okovu ni zawadi. Dieu doit lui-même protéger. Ile Mungu yeye anapasha kukinga. C'est pourquoi dans les affaires de Dieu. Jo kwa maana mambo ya Mungu, on ne triche pas. Abaibiake. Jamais. Kamwe. Tu peux tricher à l'école. Unaweza kuibia kumasomo. Mais tu ne peux pas tricher dans le royaume de Dieu. Lakini hauwezi kuibia mfalme ya Mungu. Est-ce que tu comprends cela? Et tunaelewa ile? Donc dans les affaires de Dieu. Dans le royaume de Dieu. Mfalme ya Mungu. Oh, il faut naître. Il faut nafai kuzalikia mu. Il faut naître. Il n'a pas eu zaliki. Et tu dois être convaincu que réellement Dieu m'a sauvé. Non, on a pas changé de choses que c'est ma tika mungu arinyoko. Et nous sommes sauvés. Na chetu kubenye kokolewa. Nous sommes sauvés. Chetu kubenye kokolewa. Si tu veux voir les gens qui sont sauvés, nous voici. Kokolewa. Nous voici. Cheaba. Nous voici. Cheaba. Nous sommes un peuple sauvé. Tuko batu benye kokolewa. Et ce n'est pas par notre mérite. Na na ma faida yetu. Il n'y a rien que tu as fait pour être sauvé. Hakuna kile ulifanya njoo kokolewa. Il n'y a rien que tu as fait pour être sauvé. Hakuna kile ulifanya njoo okolewe. C'est pas la grâce de Dieu. Ni kwa neema tu ya Mungu. C'est pas la grâce de Dieu. Ni kupitia tu neema ya Mungu uliokolewa. Le salut est gratuit. Wokovu ni ya bure. Il n'y a rien que tu l'as fait. Hakuna kile ulifanya. Si Dieu demandait le prix du salut. Kama Mungu anaanza kuomba bei ya wokovu. Qui pouvait être sauvé? Nani angeweza kuokolewa? Personne. Hakuna mtu. Personne. Hakuna mtu. Personne. Hakuna mtu. C'est pourquoi il n'a pas sauvé. Joko mana nafsi nye kokolewa. Vaut 10 000 mondes. Iko na bei ya ma mbingu elfu. 10 000 mondes. Ma elfu kumi. 10 000. Elfu kumi. Maintenant, où est-ce que tu peux trouver même 500 mondes? Sasa wapi utapata ta ma 1500 ata 1000 mondes. Même 1500 mondes. Ata 100 moja na makumi tano. Où est-ce que tu peux trouver ça? Utapata wapi? C'est pour te dire que njoo kuambia kwamba il n'y a rien qui peut payer. Hakuna kitaweza kuuza wokovu. C'est par le sang seulement que Jésus pia paka damu ya Yesu Kristo. Notre la rédemption. Okombozi wetu. C'est par le sang. Ni kupitia damu. La rédemption, ce n'est pas par le message de Frère Branham. Je ne suis pas sauvé par ce message. Est-ce que tu comprends cela? Ce n'est pas le message qui m'a sauvé. Celui qui m'a sauvé, c'est Jésus-Christ. Par son sang, je suis sauvé. Kupitia damu yake mimi naokolewa. Ce n'est pas Frère Branham qui m'a sauvé. Aina ndugu Branham alinyokoa. Les tonneristes disent. Mais kuna ni tete le message. Kama kukwe ujumbe. Je n'allais pas être sauvé. Mishi kupasha kokolewa. C'est faux. Ni dia bongo. Même avant le message. Ata mbele ya hii ujumbe. Les gens étaient sauvés. Watu wakawa na ukolewa. Même Frère Branham lui-même. Ata mwenye ndugu Branham yeye mwenyewe. Il était sauvé par le message. Ashi kokolewa kupitia ujumbe. Frère Branham était sauvé par le sang de Jésus. Ndugu Branham aliokolewa kupitia damu ya Yesu. C'est le sang qui nous sauve. Ni kusema ni damu kule tokoa. Et c'est là c'est par la grâce. Na kupitia ile ni kwa neema ya Mungu. Nous étions tous. Ndugu tulikuwa shebote. Perdu. Benye kupotea. Nous étions tous perdus. Tulikuwa shebote bakupotea. Il n'y avait personne. Akukwe mtu. Même les prophètes. Atanabi. Il n'y avait personne. Akukwe mtu. Personne. Hakuna mtu. Personne sans le sang de Jésus-Christ qui peut être sauvé. Hakuna mtu bila damu ya Yesu Kristo ataokolewa. C'est pourquoi si nous sommes sauvés. Joko mana hapa tuko benye kokolewa. Ni kupitia neema yake tu kule. Un homme sauvé. Joko mana mtu mwenye kokolewa. Il faut d'abord comprendre ce qu'il était. Anapasha kwanza kolewa kile ruku yaka. Est-ce que tu sais ce que tu étais? Eti unajua kile ruku yaka? Tu étais dans la ligne. Ulikuwa mustari. En allant vers l'enfer. Mukwenda muge adeza. Nous tous nous étions condamnés. Chebote tulikuwa benye kukumiwa. Nous étions condamnés. Tulikuwa benye kukumiwa. Par sa grâce. Pitia neema yake. Dieu. Mungu. Comme il est un père miséricorde. Vile koni baba mwanguluma alikubeba. Il m'a vu. Alikuona. Et nous a appelé. Alituita chebote. Et il nous a appelé frère. Na alituita nduku. Et il nous a sauvé. Na alituokoa. Et aujourd'hui frère. Na leo nduku. Nous sommes sauvés. Tuko benye kokolewa. Ce n'est pas une prétention. Aina kuwazia tu. Ce n'est pas une prétention. Ana mama wazo kuwazia. Le salut n'est pas une prétention. Okovu ana mama wazo. Le salut c'est une réalité. Okovu ni kitu kiko hapo kia kweli. Et tu dois croire cela. Na unapasha kuamini. Que tu es sauvé. Ya kwamba kumwenye kokolewa. Tu dois croire cela. Unapasha kuamini hivi. Kwani? Le salut ça tient seulement par là. Okovu kuna bado naipokea pa kwa imani. Par la foi. Kupitia imani. Même le Saint-Esprit. Hata Roho Mtakatifu. On a que le Saint-Esprit par la foi. Wanapataka Roho Mtakatifu kwa kupitia imani. Si tu ne crois pas que Dieu donne le Saint-Esprit. Kama waamini si Mungu anataka Roho Mtakatifu. Hautapataka kama Roho Mtakatifu. Donc premièrement tu dois être sauvé. Ni kusema kwanza unapasha kuokolewa. C'est ça le départ de toute chose. Jo mwanzo ya vitu vyote. Frère, quand on nous appelle les hommes de bien. Wakati wanatuita sisi watu wema. Il n'y a rien qui te fait toi un homme de bien. Hakuna kile kinakufanya wewe kuwa mtu mwema. C'est quand tu as Jésus-Christ comme ton sauveur qu'on t'appelle un homme de bien. Ni wakati kuna Yesu Kristo kama mwokozi wako ndio utakuta sisi mtu mwema. C'est Jésus qui nous rend un homme de bien. Ni Yesu ndio atufanya tupate kuwa watu wema. Si on t'appelle aujourd'hui ou le gars d'Eko bien. Kama nakuita leo sema sœur est bien. Aina mzuri kwa kupanda. Ce n'est pas bon pour toi. C'est la justice de Jésus-Christ. Ni wakati ya Yesu. Garanti toi un homme de bien. Inakufanya wewe unakuwa mtu mwema. Et c'est pourquoi. Na jo kwa maana. Tout homme. Mtu wote doit être convaincu que je suis sauvé. Anapasha kuwa na kikisho kusema yuko mwenye kuokolewa. Tu tu dois être vraiment convaincu. Unapasha kuwa na kikisho yote. Sinon, kwa bule, en cours de route, munjia mule, tu resteras. Utabaki. Comme la femme de Lot. Sawa mwanamke wa Loti, mke wa Loti. La femme de Lot. Mke wa Loti n'avait pas reçu un appel divin. Ashikupatake mwito wa Mungu. Est-ce que tu comprends cela? Et tu naelewa ile? La femme de Lot n'avait pas reçu l'appel. Mke wa Loti ashikupatake mwito wa mke wa Loti ashikupatake mwito wa Mungu. Mke wa Loti suivait seulement les maris. Alikuwa anafuata tu bwana yake. Et les enfants. Na batoto. Frère. Nduku. Le salut est individuel. Okovu ni ya kila mtu pale wake. Si le mari n'est pas sérieux. Kama bwana ana moyo wake wote. Avec la parole. Na neno ya Mungu. Moi je serai sérieux avec la parole. Mimi tabeba bitu na moyo wangu wote. Si la femme n'est pas sérieuse avec la parole. Kama mwanamke ana na moyo wake wote. Mi bwana mimi nitakuwa na moyo wote kwa neno ya Mungu. On ne répondra pas à la famille. Hatutajibu mjama shebote. Non. Hapana. Chacun répondra à son chacun répondra. Kila mmoja atasambaka yeye individuellement. Yeye mwenyewe. C'est pourquoi il faut être très sérieux avec la parole. Je comme na faire quoi na moyo wote na neno. Chacun répondra seul. Kila mmoja atasambaka yeye mwenyewe. Oh, le mari a dit ceci. Eh bwana alisema hivi. Oh, ma femme a dit ceci. Eh mke wangu alisema hivi. Non et non et non. Hapana, hapana na hapana. Nous sommes des enfants de Dieu. Chetu batoto ya Mungu. On fait ce que la parole dit. Tuko nafanya kila neno unasema. C'est ça. Jovid. C'est ça un bon croyant. Jo mwamini fumuzi na ngala. Un homme de bien frère. Muntu mwema. Puisqu'on nous dit que comment l'homme de bien s'attire la faveur de Dieu. Je muntu mwema na jikokotea ka faida ya Mungu. On doit d'abord comprendre. Utaelewa kwanza kwanza. Qui est un homme de bien? Muntu mwema ni nani? Un homme de bien frère. Muntu mwema ndupu. C'est celui qui a reçu Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Ni ulari pokea Yesu Kristo sa mwokozi wake wa pekee. Et quand vous êtes sauvé. Na wakati unaokolewa. Vous êtes toujours dans la joie. Ndupu huku kila wakati paka mfuraha. Vous êtes toujours dans la joie. Ce n'est pas la maison ou l'argent ou le travail qui vous fait la joie. Non. C'est lui qui vous fait la joie, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi quand nous sommes dans la maison de Dieu, il faut être toujours dans la joie. Ce ne sont pas les gens qui sont calmes là-bas. Ils pensent à autre chose. Ouais, nous avons été sauvés. Et quelqu'un qui est sauvé. Na mtu mwenye kokolewa. Quand il est dans la maison de Dieu. Wakati kwa nyumba ya Mungu. C'est un fou de Jésus. Ni mtu mwenda bazimu wa Yesu. C'est un fou de Jésus. Ni mtu wa majimu wa Yesu. Ce n'est pas quelqu'un qui est assis comme ça. Haina mtu mwenye kukala tu hivi. On prêche la parole. Bana ubiri neno. Il est distrait. Eko mwenye kulegama. Eko mwenye kulegama mwanamke nduku. Ce que nous avons. Kile tuko nacho. Le monde n'a pas ça. Dunia ina nacho. Le monde n'a pas ça. Dunia ina nacho. Le monde n'a pas ce que nous avons. Dunia ina kile chetu kunacho. Peu importe combien nous prospèrent sur cette terre. Aizuru mtu vyataendelea mpai dunia. Si n'a pas Jésus-Christ. Kama ana Yesu Kristo. Il a tout perdu. Aiko acha kukosa byote. Être un enfant de Dieu. Kuya mtoto wa Mungu. Être un véritable croyant. Kuya mkristo wa kweli. Je devrais même être président de la République. Ni kupita takuya rais wa nchi. Ça dépasse. Il n'a pas être même un président de la République. Oui, ta raisi wa inchi. Tu dois comprendre ce que Dieu t'a fait. On a pas chakolewa kile Mungu alikufanyia. C'est pourquoi vous avez dit. Je commande muriona. Gazi. Daoud. Quand il a vu l'arche de l'alliance. Ariona sanduku ya il gano. A commencé à danser. Arianza kucheza. Il a commencé à chanter. Arianza kuimba. À danser. Mukucheza. Et même sa femme a dit. Na mke wake alisema. Un roi. Mufalme. Qui se comporte de la sorte. Et vous le jongez à Mouina Mouna. Et David a dit. Daoud Yalsemo. Je ne comprends rien. Ah, ouais, ouais, qui, moi j'étais en brousse. Mimi quoi que le coupori, mupori. Nous étions en brousse. Trouquois mupori. Nous étions dans le monde. Trouquois mudunia. Nous étions dans le monde, frère. Trouquois mudunia ndugu. Par sa grâce. Kwane mayake. Dieu nous a appelés. Mungu alituita. Et nous a fait ce que nous sommes. Nartufanye kile tuiko. Qu'est-ce que nous sommes? Tuko nini? Nous sommes son peuple. Tuko taifa yake. Un peuple particulier. Taifa kipekee. Frère, nous sommes un peuple parti. Nduko tuko taifa kipekee. C'est pourquoi quand nous sommes dans la présence de Dieu. Jokomana wakati kumwepo wa Mungu. On manifeste toujours la joie. Tuko naonesha paka furaha. Ce n'est pas la joie puisque nous avons l'argent. Aina furaha njuto kuna fedha. Frère, nduku. Un chrétien. Mukristo. Même s'il n'a pas une maison. Ataka mana na nyumba. Même s'il n'a pas d'habit. Ataka mana na fedha. Il est toujours dans la joie. Eko paka na furaha. Ce qui nous fait de la joie, nous, ce n'est pas ce que nous avons. L'argent, fait pour nous, c'est rien. Hakuna ki, aina kitu. Les maisons. Manyumba. Pour nous. Kwetu chez. C'est rien. Aina kitu. Lui-même a dit. Yeye mwenyewe alisema. D'abord cherchez le royaume de Dieu. Kwanza tafuteni ufalme wa Mungu. Vous serez donné. Na hivi vya yule baadaye patia. Ni kwanza premièrement. Ni kile tuangaishia chef ya kwanza. Ni huko. Avoir Jésus-Christ dans notre vie. Wewe na Yesu ndani ya maisha yetu. Quand je suis convaincu que je suis sauvé. Wakati nimehakikisha kwamba nimeokolewa ni kumuntu wa heri. Ceux qui sont heureux sur cette terre. Baada kwa heri pa hii dunia. Ce sont les gens qui ont Jésus-Christ. Ni baadhi wale wako na Yesu Kristo. C'est ça frère. Joy ile nduku. Et Jacques vient. Na Yakobo na kuya. Écoutez ce que Jacques. Yakobo anasema hivi. Jacques chapitre 5. Yakobo sura ya 5. Écoutez. Mushiki. Jacques chapitre 5. Yakobo sura ya 5. On doit d'abord comprendre d'où nous venons. Tunapasha kuelewa tunatokea wapi. Et pourquoi nous sommes ici? Na jua nini tuko hapa? Jacques. Yakobo. Jacques chapitre 5. Yakobo sura 5. Écoutez ce qu'il dit. Mushiki kile Yakobo anasema. Jacques chapitre 5. Yakobo 5. Le verset 13. Mstari ya 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Eti mmoja katikati yenu kwa mateso? Qu'il prie. Aombe. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Mmoja katikati yenu kwa mateso? Qu'il prie. Aombe. La souffrance qu'on parle ici. Mateso wako nasema hapa. Ce n'est pas la souffrance de manquer l'argent. Aina mateso kukosa fedha. Est-ce qu'on entend cela? Est-ce que vous chiant, est-ce que vous entendez cela? Est-ce que vous il la souffrance qu'on parle. Mateso yewe qu'on a semé hapa. Ce n'est pas la souffrance de manquer le travail. Aina mateso kukosa kazi. La souffrance qu'on parle ici. Mateso yewe qu'on a semé hapa. C'est la souffrance de l'âme. Ni mateso ya nafsi. Quand quelqu'un n'a pas Christ, wakati mtu ana na Kristo, il souffre. Eko na teso. Quand quelqu'un vit dans la saleté, wakati mtu anaishi dans les choses du monde, vitu vya mdunia, il est souffrant. Eko na teso. Il est souffrant, frère. Eko na teso. Il est souffrant. Eko na teso. Quelqu'un qui n'a pas Christ, il est souffrant. Mtu ana na Kristo, eko na teso. Il doit prier. Anapasha kuomba. Il doit prier. Anapasha kuomba. Pour que Dieu peut-être fasse miséricorde. Dieu Mungu amshikilie huruma. Pour qu'il soit sauvé. Dieu apate kokolewa. Ah. Quelqu'un est-il dans la joie? Est-ce que tout le monde est comme fura? Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie? Est-ce que tout le monde est fura pas? Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie? Est-ce que tout le monde est fura? La joie qu'on parle ici. Fura bien qu'on a semé après. C'est la joie du salut. Ni fura ya okovu. Est-ce que tu comprends cela? Et tu n'allais pas il est? C'est la joie du salut. Ni fura ya okovu. Quelqu'un qui est sauvé, il est toujours dans la joie. Donc, tout le monde est collé au kila wakati mufura. Tu peux avoir des dettes. Unaweza kuwa na madeni. Tu peux avoir beaucoup de problèmes. Unaweza kuwa na mambo ya mingi. Tu as un secours qui ne manque jamais dans la terre. Uko na msala ikose wake mu wakati atabu. Frère, nduku, ma sœur, dada yangu. Dieu, Mungu est notre appui. Ni tegemeo yetu. Un refuge. Ni fashu ficho yetu. Un secours qui ne manque jamais et jamais dans la détresse. Musada ile ikose wake kama wakati atabu. Dieu n'abandonne jamais le juste. Mungu achiliake kama mwenye haki. Jamais. Comme oui. Tu peux être dans un problème aujourd'hui. On a eu convenable, Dieu viendra pour te secourir. Wakati na yofa Mungu atakuye njoo kusaidia. Pourquoi vous entendez David dire? J'étais un enfant. Anasema, atemili kwa mtoto. J'ai grandi. Mina kome. J'ai vie. Mina zek. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Misha unaka mwenye haki bana mwachilia. Frère, Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la tête. Nduku Mungu ni msaada iko sawa wakati atabu. Et c'est pourquoi nous allons commencer à vous montrer comment l'homme de bien. Joko tanta kumionyesha sasa mtu mwema. Croyant. Mwaminifu wa kweli. Sature la faveur de Dieu. Anajikokoteaka faida ya Mungu. Est-ce que vous croyez qu'un croyant sature de la faveur de Dieu? Eti mnaamini kusema mwaminifu ajikokoteaka faida ya Mungu. Mungu amibariki. Dieu est pour nous un secours, frère. Hakika Mungu kwa kwetu msaada nduku. Un secours, ma sœur. Ndamu msaada dans les problèmes. Unaweza kwa mambo leo? Mais attends. Chunga. Un jour, siku moja, Dieu va manifester sa puissance. Mungu ataonesha uwezo wake. Et il va te consoler. Na atakufariji. C'est pourquoi nous sommes toujours dans la parole. Joko mimi tukupoka kila wakati muneno. Nous sommes toujours dans la parole. Tuko muneno. Frère, nduku. Et quelqu'un qui est sauvé. Na mtu mwenye kokolewa. Ne regarde jamais aux gens. Ashangareke kama kubatu. Jamais. Kamwe. Jamais, jamais. Kamwe na kamwe. Quelqu'un qui est sauvé ne regarde pas aux gens. Muntu le mwenye kokole wa shangara ke batu. Et n'écoute pas ce que les gens disent. Ashikia ki ble batu beko na sema. Lui écoute ce que la parole dit. Yeye unashikia kile era shikia kile neno la sema. Il écoute toujours ce que la parole dit. Anashikia kapaka kile neno na sema. Oh bari sema. Oh nadi. Qui a dit? Nani alisema? C'est un homme qui a dit. Ni muntu alisema. Nous on ne cherche pas les faveurs des hommes. Shia tutafuta ki faida ya batu. Nous cherchons les faveurs de Dieu. Shia tutafuta faida ya Mungu. Un homme reste un homme. Muntu anabaki hapa kama aujourd'hui, Léo, il peut dire des biens sur toi. Ana, ana kusema le vizuri. Même peut changer. Oui, c'est un homme. Ni mais il y a un homme qui ne change jamais. Kukule, mundo, il y a un homme qui ne change jamais. Kukule, mundo, kamwe, Robert Jésus Christ. Il ne regarde pas ce que les gens disent. A shangale, kibile, batu, wanasemaka. Il ne met jamais sa confiance dans un homme. Aujourd'hui, beaucoup de gens dans les églises sont maudits. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont fait leurs soeurs, leurs frères des modèles. Des exemples. Mamifano. Même frère Branham n'est pas notre exemple. Attendu Branham ana mfano yetu shei. Frère Branham l'a dit lui-même. Ndugu Branham yema anaisema. Frère Branham ne sera jamais notre exemple. Ndugu Branham ashakuya kwaka kama mfano yetu. Frère Frank ne sera jamais notre exemple. Ndugu Frank ashakuya kama mfano wetu. Même Frère ne sera jamais mon exemple. Attendu Kunda ashakuya kama mfano wangu. Ne sera jamais ton exemple. Dada yako ashakuya kama mfano wako. Nous avons un exemple. Tuko na mfano tu moja. Nous avons un exemple. Tuko na mfano moja. Dans l'église. Mukanisa. Frère Branham le dit. Ndugu Branham anasema. Les tonneristes disent que Frère Branham mourir. Mamingurume wanasema Branham ana. C'est faux. Anibia bongo. C'est faux. Nibia bongo. C'est faux. Nibia bongo. Frère Branham n'est pas notre exemple. Ndugu Branham ana mfano wetu. Les tonneristes disent que Branham mourir. Asima Branham au hakuna kitu. C'est faux. Nibia bongo. Nous c'est Jésus ou rien. Chez ni Yesu au hakuna kitu. Nous c'est Jésus ou rien. Chez ni Yesu au hakuna kitu. C'est pourquoi nous ne sommes pas appelés Branhamistes. Je comprends la tuitive wa Branhamiste. Nous ne sommes pas des Branhamistes. Chez tuna ba Branhamiste. Si toi tu es Branhamiste. Kama uko Branhamiste ni mambo yako. Moi je ne suis pas Branhamiste. Mimi shina Branhamiste. Moi je suis chrétien. Mie niko mkristo. Je suis chrétien. Niko mkristo. C'est pourquoi je ne mets pas ma confiance dans Branham. Je comprends mimi shweke matumaini yangu ndani ya Branham. Oh Branham ou rien. Branham au hakuna kitu. Ah. Ah. Branham c'est un homme. Branham ni mutu. Un homme péché sauvé par la grâce de Dieu. Mutenda zambi mwenye kukolewa kwa neema ya Mungu. Frank. Nduku Frank. C'est un homme péché sauvé par la grâce de Dieu. Mutenda zambi mwenye kukolewa kwa neema ya Mungu. Ndai. Ndai. Un homme péché sauvé par la grâce de Dieu. Mtu mtenda zambi mwenye kukolewa kwa neema ya Mungu. Wewe mwenye parosha kuikana. Et même celui qui te prêche. Hata ule kuna kuhubiri. Un sauvé par la grâce de Dieu. Mtenda zambi anaokolewa kwa neema ya Mungu. Et c'est pourquoi nous devons mettre notre confiance à un homme. Joko mwana tuwezi weka matumaini yetu ndani ya mtu. Nous devons mettre notre confiance et notre modèle doit être qui? Tunapasha weka matumaini yetu ndani na mfano wetu tunapasha kuwa mshike kile ndugu Branham anasema. Branham dit dans Jehovah Jireh. Ndugu Branham anasema 61 il dit ceci. Mu Jehovah Jireh udi amini 61 anasema hivi. Au paragraphe 7. Nukta yake ya 7. Ce n'est pas qu'on soit là à crier contre les gens. Aina sema tu kupai tu na lamikia kubaa tu na sema bantu. Tu wanafokea bantu papa. Nuko gondonjo. Je kupa le Dieu a kufokea bantu. Pour prêcher contre les gens. Au kubiri kubatu. C'est contre le mal qui étouffe les gens. Ni bubaya bwe bunakosea bantu. En essayant de prendre quelqu'un d'autre comme le modèle. Mukupima kubeba mtu mwingine sa mfano. Ou de faire ceci ou quelque chose déjà sans regarder à Dieu. Voyez-vous église? Munaona kanisa? Faire quelque chose déjà sans regarder à Dieu. Voyez-vous l'église? Est-ce que l'église de Kambov, vous voyez cela? Eti kanisa ya Kambov, munaona ile? Peu importe combien. Aizuru marangapi. Si une personne kama muntu moye, me prenait comme exemple moi Branham, ananibeba mie sa mfano mi Branham. Ne le faites jamais. Mushifanye kamwe. Ne le faites jamais. Mushifanye kamwe. J'ai trop de mauvaises choses dans ma vie. Niko na vitu vya bibaya sana maisha yangu. Moi Branham. Mie Branham. J'ai de mauvaises choses dans ma vie. Niko na vitu vibaya maisha yangu. Regardez au véritable exemple. Mwangare kumufano nyewe bya kweli. Jésus Christ. Yesu Kristo. Jésus Christ. Yesu Kristo. Il est l'exemple. Eko mufano. Ne regardez pas les uns aux autres. Mushangayane ba moja na bengine. Regardez à lui. Mwangarie kwake. À lui ce n'est pas Branham. Kwake yana kwa Branham. Ou frère Frank. Au ndugu Frank. À lui c'est à Jésus Christ. Kwake ni kusema kwa Yesu Kristo. Regardez à lui, vous voyez. Mwangare kwake munaona. C'est à lui qu'il faut regarder. Ni kwake nafai kuangalia. Quand quelqu'un est sauvé. Wakati mtu kwa mwikokoleo. Il regarde ses yeux. Macho yake. Fixe au calvaire. Iko naangalia ku calvaire. Il est malade. Eko mgonjo. Ses yeux est là-bas. Macho naangalia ki kule calvaire. Il est dans les problèmes. Eko mamambo. Ses yeux est au calvaire. Macho yake ku calvaire. Quoi qu'il fait. Yote anafanya. Il regarde toujours au calvaire. Eko naangalia pa ku calvaire. Ce n'est pas quelqu'un qui fait. Ana muntu kuna fanya. Un homme. Muntu. Son appui. Ana kwa tegemeo yake. Jamais et jamais. Kamwe na kamwe. Si tu commences à faire cela. Kama unaanza kufanya vile. Tu n'avanceras jamais dans la foi. Au tendelea ka kamwe muimani. Jamais. Kamwe. Oh, ule dada shana bwala kamubaya. Oh, cette sœur s'habille très mal. Bana mufanya nini mukanisa? Qu'est-ce qu'on lui a fait dans l'église? Donc ta foi, toi, tu es là pour comparer. La foi, c'est une expérience personnelle avec votre imani ni onja kipekee wewe na Mungu wako. On ne vient pas se comparer. Atukui hapo njo kuangaliana. Chacun doit expérimenter son Dieu individuellement. Kila mtu anapasha kuonja Mungu wake kwa kipekee. Je ne sais pas quand est-ce que tu étais sauvé. Mishi jua wakati kani uliokolewa. Et comment? Na namna kani uliokolewa. Non, apana. Chacun doit comprendre ce qu'il est. Kila mmoja anapasha kuelewa kile eko. Il ne doit pas regarder à ce que la sœur est. Ashipashe kuangalia kwa kile dada yake. Au kwa kile ndugu yake. Chacun doit expérimenter son Dieu individuellement. Kila mtu anapasha kuonja Mungu wake mkipekee. Eh, la Bible dit ceci. Na Biblia nasema hivi. Lisons d'abord. Tusome kwa Jérémie. Mu Yeremia. La Bible dit maudit. Biblia nasema alaniwe. Beaucoup de gens sont maudits. Batu mingi washakulaniwa. Beaucoup de gens, dans Jérémie 17, Jérémie 17. Écoutez, Mushiki. Verset 5, Moussala ainsi 15. Parle l'Éternel. Ça, ce n'est pas un prédicateur qui a dit ça. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Alaniwe muntu la natumainya muntu mwingine. Beaucoup de gens sont maudits. Mingi washa puisque se confie dans l'homme. Mutu. Ne vous confiez pas dans l'homme. Confiez-vous en Jésus-Christ. Mutumanie ndani ya Yesu Christ. Il ne sera jamais dans la honte. Hautapataka kamwe haya. Qui prend la chair pour son appui. Bego na beba muntu sa tegemeo. Même ton argent ne doit pas être ton appui. Ata feza yako haiwezi kuwa tegemeo yako. C'est Dieu qui bénit, frère. Ni Mungu ndiye anayekuwa anabariki. Et c'est Dieu qui enrichit. Na ni Mungu anatajirisha. Dieu est capable de t'arracher tout ce que tu as là. Mungu anaweza kunyang'anya bile vyote unavyo. Si tu mets ta confiance. Kama unaweka matumaini dans tout ce que tu as là. Bile vyote unavyo. Dieu est capable de t'arracher. Mungu anaweza kunyang'anya vyote. Et qui détourne son cœur de l'Éternel. Na ule anatosha moyo wake kwa milele Mungu. Écoutez cette. Mushikie msaba. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Abarikiwe muntu anaweka matumaini yake ndani ya milele. Et dans l'Éternel est l'espérance. Na ule wa milele Yehova ni tumaini yake. C'est la vérité. Ni bia kweli. C'est la vérité, frère. Ni bia kweli nduku. C'est la vérité, frère. Ni bia kweli nduku. Ne mettez jamais votre confiance dans un homme. Mushiweke kamwe matumaini ndani ya muntu. Regardez toujours à Jésus-Christ. Mwangalie paka kwa Yesu Kristo. C'est lui. Ni yeye. C'est lui qui nous a sauvés. Ni yeye atokoa. C'est lui qui nous a fait ce que nous sommes. Ni yeye atufanya kile tuko. Si aujourd'hui on nous appelle kama des chrétiens. Leo wanatuta sema ba Kristo. Ce n'est pas par la main de l'homme. Aina kupitia mkono ya Mungu. C'est par la puissance de Dieu lui-même. Ni kupitia uwezo ya Mungu yeye mwenyewe. Si aujourd'hui on nous appelle des hommes de bien. Kama leo wanatuta sema watu bema. Ce n'est pas parce que tu as l'argent. Aina sema njoo kuna pesa pana. C'est Jésus qui t'a fait comme ça. Ni Yesu ya kufanya vile. C'est pourquoi louer son nom. Ndio kwa maana msifu jina lake. Il mérite la louange. Anastahili utukufu. L'honneur, la puissance, Uwezo, au siècle des siècles, milele. C'est ça. Joine. Frère, quand vous mettez votre confiance en Dieu, wakati nika matumani yako ndani ya Mungu, il ne sera jamais déçu. Auta kosaka aya sikamwe. Et vous faites décevoir. Muntu anaweza kukosea. Même ton mari peut te décevoir. Hata mume wako ataweza kukosea. Même ta femme peut te décevoir. Hata mke wako anaweza kukosea. Tes parents peuvent te décevoir. Baba yako anaweza kukosea. Même tes enfants peuvent te décevoir. Watu wako anaweza kukosea. Ce sont des hommes. Ni batu. Jamais. Kamwe. Mais Jésus. Lakini Yesu. Ah, écoutez d'abord les noms. Jésus. Donc, mshiketa, kwanza njina. Yesu. Jésus. Yesu. Jésus. Yesu. Même les démons s'abaissent. Adama, ma démon n'est gana chouka. Quand tu as Jésus dans ta vie. Wakati kuna Yesu maisha yako. Tu es nommé. Uko muntu wa eri. Tu es nommé. Uko muntu wa eri. Nous sommes des hommes errés. Mettez votre confiance dans la parole. Tu ne seras jamais dans la honte. Tu ne seras jamais dans la déception. Faites l'Éternel. Mufanye wa milele wenu. Te délice. Apate kwa bizuri yako. Et donnera ce que ton cœur désire. Atakupatia kile moyo wako unataka. Quand tu marches. Wakati nduku unatembea. Tu marches avec confiance. Unatembea na matumaini tena. Tu marches avec confiance. Unatembea na matumaini tena. Quand tu marches. Wakati unatembea. Tu marches avec confiance. Unatembea na matumaini tena. Tu sais que je suis sauvé. Unasema niko mwenye kokole. Tu sais que je suis sauvé. Unajua sema niko mwenye kokole. Tu marches avec confiance en Dieu. Unatembea na matumaini ndani ya Mungu. Même si le malheur m'atteint aujourd'hui. Unasema taole nipata leo. Il est un secours qui ne manque jamais. Je mettrai toujours ma confiance en lui. C'est la vérité. Et tout, il y avait un homme de 38 ans. Au Bethsaïda. D'abord, se trouver au Bethsaïda, c'était une grâce. Même se trouver ici, d'abord, c'est une grâce. C'est une grâce. Se trouver seulement dans la véritable église du Dieu vivant. C'est une grâce aussi. Qu'est-ce que tu as fait toi? Il y a beaucoup de gens ici à Kambo. Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu t'amène? Il était là-bas 38 ans. Et il était au Bethsaïda. Même sa famille était fatiguée. Les gens, ce sont des hommes. Ils peuvent t'aider aujourd'hui. Mais ils seront fatigués. Na ce sont des hommes. Mais il y a un qui ne se fatigue jamais. C'est en lui que nous mettons notre confiance. Ni yake ouais. La famille s'était fatiguée. On lui dit non, nous sommes fatigués. Banasema, on lui donne même la natte. Banampatia ka kilako. La natte là. Kaika kilako. Ça signifie que non, nous sommes fatigués. Inamaanisha sema tushakuchoka. Nous partons. Tunenda. Prends la natte. Beba wiki lako. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye. On l'a rejeté. Bari mutupa. Ne cherchez jamais les témoignages des hommes. Mushitafute kama ushuda ya bati. Cherchez toujours les témoignages de Dieu. Mutafute kila mara paka ushuda ya Mungu. En l'homme il n'y a rien. Ndani ya mtu hamna kitu. Un homme n'a pas du ciel pour t'amener. Mtu ana na mbingu ya kupeleka. Ayez confiance en Dieu. Mouwe na matumaini ndani ya Mungu. Ils l'ont quitté. Bari mwacha. Ils ont dit bye bye. Bari sema wow, bye. Mais l'homme de Galilée quelque part. Lakini mtu wa Galilea quelque part. Il partait aussi à la fête. Alikuwa anaenda kufuku karamu. Et quand il est quitté. Na wakati wa bari mwacha. Parfois Dieu ne travaille pas dans notre vie puisque nous avons bantu wale tout ça pour qu'il y a calme. Ma wakati nye Mungu atiki maisha hapa si nous avons des gens qui nous apprions de tout ça. Que Dieu maintenant intervient. Jo pari sasa Mungu yeye anaweza kutusaidia. Bana sema no bye bye. Bari mwacha. Il part maintenant. Le roi des rois. Mufalme wa falme. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ mufalme wa falme. Le Jéhovah de l'Ancien Testament. Yehova mwagano la kale. Le Jéhovah de l'Ancien Testament. Yehova mwagano la kale. C'est lui Jésus-Christ. Jésus-Christ. Remise et reprise. Bana badilishan. Pendant que les hommes l'abandonnent. Wakati batu bana mwachilia. Jésus-Christ va là-bas. Yesu anenda kule. Jésus-Christ allait là-bas. Yesu anenda kule. Directement à cet homme-là. Paka kwa ule muntu. Quelle grâce. Nemakan. Il y avait beaucoup de gens là-bas. Pourquoi batu mingi kule. Mais les yeux de Jésus-Christ. Lakini macho ya Yesu Kristu. C'était fixé uniquement là-bas. Il kwenye kuangalia paka ule muntu. Quelle grâce. Nemakan. Quelle grâce. Nemakan ndugu. Pendant que la famille allait. Wakati jamani mwacha. Jésus-Christ aussi venait. Yesu na kule. Le secours de Jésus-Christ est une consolation. Quand Jésus-Christ montre sa puissance, vous êtes consolé. Là où il y avait les plaies, il y a la joie. Qu'est-ce que tu fais ici? J'aime sa réponse. Il dit, j'ai été ici, ça fait 38 ans. J'ai été dit ceci. Ce soir, les choses ne doivent pas rester les mêmes. Celui en qui tu as crié, il est plus grand que tous les démons. C'est lui qui a enquêté à Christ. C'est lui qui a mis ta confiance. Oule nanya il est le plus là-bas. Eko, c'est lui qui t'a sauvé. C'est lui qui est capable de tout stopper. Il dit, je n'ai pas quelqu'un pour m'aider. Je suis saidi. Tu n'as pas quelqu'un. Et tu as un amour. Comment? Jay. Il dit, je n'ai pas quelqu'un pour me jeter là-bas. Je n'ai pas quelqu'un pour me jeter là-bas. Il parlait au roi des rois. Il parlait au créateur. Il n'a pas besoin de se jeter là-bas. La bénédiction n'est pas à Lubumbashi. Baraka ina Lubumbashi. La bénédiction n'est pas à Kolwezi. Baraka ina Kolwezi. La bénédiction n'est pas en Europe. Baraka ina Amérique. Baraka iko ndani ya neno. Tu vois? Unaona? Oh, akongwa vinyarie. Ah, mkambova muna kintu. Mkambova vinyarie. Akambova vinyarie. Akambova vinyarie. Mkambova muna kintu. Je vais à Lubumbashi. Mimi naenda ku Lubumbashi. C'est faux. Ni bongo. C'est faux. Ni bia bongo. Même si tu vas à Lubumbashi. Ataka mwenenda ku Lubumbashi. Même si tu vas en Europe. Ataka mwenenda ku Bulaya. Si Dieu ne met pas sa main sur tout ce que tu fais, tu ne peux rien. Mungu ashiweke mkono wa bila vyote utafanya, utafanya kitu. Sasa Yesu a dit. Na Yesu alisema. Sans moi vous ne pouvez rien. Bila mimi hamwezi kufanya kitu. C'est la vérité. Jo kweli nyeo. Il dit je n'ai personne. Asema mishina na mtu. Pour me jeter là-bas. Jo kunitupa mule mu maji. Jésus a dit. Yesu anasema. Prends ton lit. Beba kitanda yako. Prends ton lit. Beba kitanda yako. Prends ton lit. Beba kitanda yako. Et marche. Na utembe. Frère. Nduku. Une personne qui est née comme ça. Muntu mule alizali kwa vile. Frère. Nduku. Paralytique. Mwenye kwa kilema wakupoza. Pour la première fois 38 ans. Jua maramu ya kwanza makumi tatu na sinani. On va tellement une totem. Baro tu muntu anaruka. Il commence à crier. Ananza kulalamika. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Quelle consolation. Faraja kani. Quelle consolation, frère. Faraja kani nduku. Quand Dieu vient dans votre vie. Wakati Mungu anakuwa ndani ya maisha yako. Anabadilisha ta maisha yako. Il doit changer ta vie. Anapasha kubadilisha maisha yako. Quand tu étais pécheur. Wakati ulikuwa mtenda dhambi. Quand Jésus te console. Wakati Yesu anakufariji. Fariji. Tes péchés là-bas sont pardonnés. Mazambi yako yote yanasamehewa. Tu as une nouvelle vie. Unakuwa na maisha mapya. Et tu marches maintenant. Na unatembea sasa. Dans la crainte de Dieu. Ukuogopa Mungu. Dieu enlève le cœur de pierre. Mungu anaondosha moyo wa majiwe. Il met un cœur nouveau. Anaweka moyo mpya. Et un esprit nouveau. Na roho mpya. Et vous devenez maintenant une nouvelle créature. Na unakuwa sasa kiumbe kipya. Les choses du monde. Vitu vya dunia. Mais comme on kuya wakabwa bwa mkabwa. Si tu étais comeré. Le commérage va s'arrêter. Puisque tout est nouveau en toi. Vyote vinakuwa vya sasa ndani yako. Tout est nouveau. Vyote vinakuwa vya sasa. Quand tu rencontres Jésus-Christ, wakati unakutana na Yesu, tu ne peux pas rester tel que tu étais. Hauwezi kubakia vile uko yako. Jamais et jamais. Kamwe na kamwe. Quand tu rencontres Jésus, wakati unakutana na Yesu, ta vie change. Maisha yako inabadilika. Et tu dois maintenant commencer à dire, na unapasha sasa kuanza kusema, Jésus. Yes. Et ma louange. Ndio sifa yangu. Jésus est ma louange. Yesu ndio sifa yangu. Jésus est ma louange. Yesu ndio sifa yangu. C'est la vérité. Nduku ni vya kweli. Quand nous sommes sauvés. Jo akwamana wakati tunaokolewa, mtu anaokolewa, mtu mwema. Dans la maison de Dieu. Munyumba ya Mungu. Quand on parle de Jésus. Wakati wanasema tu ya Yesu. Parfois on ne comprend pas. Mais wakati tuelewe. Mais quand on cite Branham. Baki ba mingurume wakati wanatasha tu Branham. C'est comme si ni vita ka. Vous allez voir comme c'est comme si c'était mal le nom de Branham. Chez les tonneristes là-bas. Tu sais c'est mal Branham. Tu vois quelqu'un qui se lève. Tu mérites même mon offrande. Comment va tu Branham, on tient à nous sema, on a sali ta sadaka yangu, sadaka yangu. Mais nous, la kiniche, quand on cite le nom de Jésus. Wakati wanataja jina Yesu. Ça nous réjouit de là. Il est tufurahisha mon nafsi, tukumfura. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Pour terminer, nous allons lire cette écriture ce soir. Je kumaliza tusoma yandiko mangaribi ya leo. Nombre chapitre 6. Et, ça, et nous allons terminer par là. Na, tout à pali. Et nous continuons. Vendez. Nombre 6. Et ça, makumi verset 22. Et ça, sita, makumi l'Éternel parla à Moïse et dit. Ya, umilele, yoba, kamuambia, Musa, kasem. Parle à Aaron et à ses fils. Sema na Aaron, ina batoto yake. Et Anaou. Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz. Na mutabariki hivi batoto wa Israeli na mutabambi. Vous bénirez ainsi les enfants de Dieu qui sont à Kambofu et vous leur direz. Mutabariki hivi batoto ya Mungu wa Kambofu na mutabambi. Mais ne écoutez pas. Kanisa ishiki. Vous bénirez ainsi les enfants de Dieu qui sont à Kambofu. Mutabariki hivi batoto ya Mungu wa Kambofu. Et vous leur direz. Na mutabambia. C'est dans Nombre chapitre 6, le verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils. Et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Les enfants de Dieu qui sont à Cambor. Et vous leur direz que l'Éternel te bénisse. Ce soir que l'Éternel te bénisse. Et qu'il te garde. Qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Et qu'il t'accorde sa grâce. Qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Comme il avait tourné à cet homme de 38 ans. Que c'est toi. L'Éternel tourne sa face vers toi. C'est la vérité. Qu'il tourne la face vers toi. Et qu'il te donne la paix. Que l'Éternel te donne la paix. Que la paix soit dans cette église. Que la paix soit dans cette église. Que la paix soit dans ta maison. Que la paix soit dans ta famille. Que la paix du Seigneur soit dans tout ce que tu fais. Et que la paix du Seigneur soit dans cette église. C'est un Dieu de paix. Nous voulons la paix dans son église. La paix dans notre maison. La paix dans notre famille. Et que Dieu vous bénisse. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. C'est ça. Nous avons introduit. L'homme de bien trouve toujours faveur. Et un homme de bien s'attire la faveur de Dieu. Et demain nous commençons. Nous avons montré qui est un homme de bien. C'est lui qui a Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Un véritable croyant. Et vous allez voir que tout ce qu'il demandera, Dieu doit être fait. Que Dieu vous bénisse richement. Mungu amibariki kwa utele.